Assassin, le groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Eh ben, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Slasher. Bonsoir Scream. En forme? Très très bien, et toi? Bien, bien, bien, bien, bien. Alors, le week-end s'est bien passé? Excellent, oui, oui, toi? Bah, bah oui. Voilà, donc aujourd'hui, Sylvain ne sera pas là, empêchement, mais que voulez-vous? Oui, mais on lui fait coucou. C'est les aléas, mais on lui fait un petit coucou, voilà. Et on pense bien à toi, Sylvain. Voilà. Alors, on vous contera un petit peu notre aventure, car tu as été voir, tu as voulu voir System of a Down. Oui. Qui était donc au... Main Square. Main Square de Arras. Hein. Voilà, j'espère que tu t'es éclaté. Oui, oui, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Sans plus que ça, on dirait. Ouais, ça... Sans conviction, pas, sans conviction, quoi, donc... Voilà. Voilà, ben bon, voilà, c'était pas mal du tout. Donc, aujourd'hui, ben, plein de nouveautés. On retrouvera la Slasher Song, on trouvera la balade crapuleuse et oui, des nouveautés aussi. Oui, voilà, voilà. On va démarrer tout de suite avec le nouveau Grit, avec le titre Pity. Il faut savoir que le groupe a fait 3 EP qui sortent un peu à différentes périodes, et ces 3 EP vont rassembler un album. Voilà, et après on se retrouve tout de suite après pour continuer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à laisser vos petits messages, hein, ça nous fait toujours plaisir. Oui. Et on est diffusé en direct. Voilà, coucou les loulous. Voilà, attention, c'est parti avec Grit. We'll be right back. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein, Grit, quand même. Hein. Oui, c'était génial. J'ai une petite info pour ceux qui n'ont pas remarqué. Sur Facebook, maintenant, on fait des directs. Et on a su trouver un moyen pour améliorer la qualité. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez bien la qualité, n'hésitez pas à commenter. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Maintenant, oui. Maintenant on peut crier dans le studio. Ah. Vous ne nous entendez pas quand on passe la ZIC. On a trouvé The Solution. On fait un plaisir, un petit coucou aussi à Agnès, à Amini qui nous écoute. Oui. Et voilà, je pense très fort. À vous les filles, pas parce que vous êtes des filles, hein, mais bon, c'est parce que je sais bien qu'Amélie, elle est fan de Alter Bridge, slasher, et elle dit bah, qu'elle t'envie un petit peu. Ah. Et voilà, donc j'en profite pour faire un petit coucou et elle nous écoute et c'est super, super, super. Okay. Voilà. Alors, en plus, t'as écouté un peu dans Grit, il y avait un peu un passage qui me faisait un peu penser à un pompage de Megadeth. Oui. Voilà. Donc, oui. Le prochain, c'est Tonton Roger qui nous l'a envoyé. Ah, Tonton. Merci à Tonton. Il s'agit d'un groupe français qui s'appelle Smash Hit Combo. Voilà, ils étaient au Download Festival. Oui, au Download Festival de Paris. Ouais, la particularité de cet album, c'est que c'est un double album. Et il y a une version française et une version anglaise. Automatiquement, vous savez sûrement laquelle j'ai choisi. Hein. La version française. Oui, sûrement. Il n'y a pas photo. Et on va s'écouter Spin the Wheel. Oui. Et d'ailleurs, bah, pourquoi Smash Hit Combo? Dans leur album, ils font toutes des références à des jeux vidéo. Donc dans Spin the Wheel, il y a Sweet Toss, GTA, il y a aussi Mortal Kombat dans les autres chansons. Ça fait vraiment référence à tout l'univers jeux vidéo. Je crois que tu en parleras un jour dans ton autre émission, peut-être. Oui. Voilà. Alors, on en profite aussi pour vous signaler que, une bonne nouvelle, n'oubliez pas, on vous avait passé un extrait de l'album de Dagobah la semaine dernière. Et ben, on aura en fauneur bientôt un membre de Dagobah en interview. J'ai toujours, Black Bombay, non, c'est Dagobah. Voilà, et on aura aussi les Smash Hit Combo en fauneur. Allez, c'est parti avec Spin the Wheel. Are you ready? une petite bombe, cet album, franchement, je vous le conseille, oui. Smash It Combo. Spill the Well, franchement, superbe. Donc, deux albums, un album en anglais et un album en version française. Oui. Donc, ils peuvent jouer sur les deux tableaux. Mais bon, moi, je préfère, comme je vous l'ai dit, la version anglaise. Alors, le prochain, ben, on l'avait su à l'époque quand on avait interviewé Roland Grappeau. De Master Plan. Master Plan, ex Halloween. Oui. En 2014, si tu te souviens, le slasher. Oui, le premier festival à la reprise de Rive d'Enfer. Toi, c'était ton premier festival, oui. Oui. Et Roland nous avait dit, bah oui, je suis en... J'ai un projet un peu spécial, c'est de reprendre des chansons d'Halloween. Mais bon, c'est des chansons que j'ai composées moi-même pour Halloween. Mais bon, j'attends aussi leur accord pour voir si je peux faire un album avec. Eh ben, chose faite, après 3 ans, oui, l'album va sortir. Donc c'est un album tout simplement de reprises d'Halloween. Donc toutes les chansons, vous les connaissez. Il n'y a pas d'inédites, il n'y a pas de nouveautés. Mais seulement, oui, c'est avec un autre chanteur et tout ça. Et c'est des chansons que Roland Grappeau réalisé pour Halloween, dont il avait l'autorisation de reprendre, quoi. Donc il a sorti cet album, enfin il a sorti, l'album est prêt, il va sortir dans les bacs fin du mois, et on va s'écouter The Time of the OS d'Halloween, enfin de Masterplan, groupe que j'adore à fond, quoi, et en plus c'est des gens super charmants. Voilà, donc ce n'était pas du Halloween, mais Master Plant, Roland Grappeau, The Time of the Oath. Donc c'est le nouvel album de Master Plant. Ce n'est qu'un album de reprise de Halloween. J'en profite pour faire un petit coucou à notre ami Vaken et à Sylvia du côté de l'Argentine. Oui. Coucou Sylvia qui nous écoute de l'Argentine. Coucou, et Vaken, coucou, j'espère que tu t'es bien reposé de ton birthday. Alors voilà, il est juste avant de parler un petit peu de ta slasher song, on va un petit peu parler de la performance de Biffy Clyro. Oui. Au Main Square, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, le slasher? Moi, Biffy Clyro, j'ai bien aimé. C'est du pop rock, plutôt, je dirais ça comme du pop rock rock, qui est vraiment super bien. Il joue super bien, une super bonne voix. C'était excellent. Oui, et alors après, donc toi, tu voulais surtout voir System of a Down. Pour tester, oui. Pour tester, et alors tu as testé, tu as vu et. Bah alors mon verdict, System of a Down, déjà j'aime pas trop en vrai. Et en fait musicalement c'est bien, le concert bougeait bien, mais la voix je blaire pas. Là je sais pas la voix, j'aime pas la voix. D'accord, tu n'aimes pas la voix. Bon voilà, c'est ton point de vue. Hein. Bon moi c'est pareil, mais bon chacun comme on dit. On a respecté le choix des festivaliers qui s'éclataient sur System of a Down et on n'a pas hué le groupe comme il y en a certains qui ont fait pour d'autres groupes. Oui. On ne leur a pas jeté des cailloux, on n'aura pas craché dessus. Voilà, ils ont comme on dit, les couilles de monter sur scène et de jouer. Voilà, même si on n'aime pas, ben on respecte les groupes et c'est tout. Ouais. Alors, tu nous as choisi quoi, Slasher, pour ta Slasher Song? Alors, je choisis un groupe qui n'existe plus déjà, qui nous vient d'Amérique et des États-Unis, donc c'est le groupe Fight. Et si je vous dis Fight, ça vous dit rien, ça vous dit peut-être Judas Prost. Et oui, parce qu'en fait, c'était pendant que Rob avait arrêté Judas Prost, il s'était consacré à son groupe solo, donc Fight. Hein. Ouais. Et donc, dans les membres, il y a Rob Halford, Mike Chews, Brian Tills, JJ, Scott Travis, Robbie Launcher et Ross Parrish. Il y a déjà deux membres en vrai qui vont vous dire beaucoup, c'est Rob Halford et Ross Parrish. Moi, Ross Parrish, je connais pas du tout. Ah, bah, il y en a peut-être. Ça va vous dire quelque chose qu'on va vous dire, mais vous ne devez pas vraiment connaître de nom. Vu que Ross Parrish, c'est qui? C'est Mr. Satchel de Steel Panther. Voilà, c'est le guitariste de Steel Panther, Satchel. Oui, donc. Tout à fait. Mm-hmm. Voilà, donc c'était. Et là, tu as choisi de quel morceau, de quelle année? Alors, je choisis le titre Little Crazy. Oui. De 1993, 1993. Oui. Ça date déjà quand même. Hein, voilà. Oui. Allez, on se tait avec de plaisanterie. On va s'écouter Fight. Donc, c'est ton choix, pardon, de ta slasher song. Oui. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. It's alright, it's alright, it's alright, I'm just a little crazy. It's alright, it's alright, it's alright, I'm just a little crazy. Under my skin. Just to get me to this boy, I said it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, I'm just a little crazy. It's alright, it's alright, it's alright, I'm just a little crazy. Begin to make its home into my vision and through my mouth. Somebody's watching me to get me all strung out. I said it's alright, it's alright, it's alright. I'm just a little crazy. It's alright, it's alright, it's alright. Voilà, donc c'était notre cher Slasher, oui. Donc c'était qui ? Donc c'était Fight avec le titre Little Crazy. Voilà, j'en profite aussi un peu pour rebondir un petit peu sur ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux concernant justement Steel Panther, que c'était des clowns qui avaient trop de dialogue et tout ça. Voilà, il faut savoir que c'est dans le show, et si vous prêtez un peu attention à ce qu'il raconte, c'est vraiment pour se marrer, et ça a lieu d'être dans le show. Alors aussi, Satchel, il faut savoir que c'est pas un manchot du tout, et c'est un putain de bon gratteux. Voilà, je tenais à le dire. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Proto-Séquence. L'album s'appelle Schizophrène, et on va s'écouter Cannabis Dagger. Oh. Oh. Baby! comme on dit, ben c'est un petit peu brutal comme ça, bon, on se réveille un petit peu. Hein. Oui, voilà, ça réveille les... ceux qui sont pas dégourdis. Voilà, c'est Préto Séquence avec Cannabis Dagger. Et on poursuit avec Dirty White Boys, oh. Dynamite Don't End Dirty. C'est le titre de l'album. Et après, on retrouvera une petite nouveauté que le slasher nous a dégoté de l'autre côté de la terre. Il vous en parlera un petit peu tout à l'heure, là, comme ça. En attendant, c'est Dirty White Boys, Dynamite, extrait de l'album Don't End Dirty. C'est ça. We'll be right back. très rock'n'roll Dirty White Boys Dynamite, et l'album c'est Down on the Dirty. Alors le prochain titre, c'est le slasher qui bah, je vais te laisser parler de du prochain titre, hein, c'est toi qui as quand même fait les démarches, donc voilà, je te laisse faire. Donc bah, on a reçu un album d'un groupe brésilien, et oui, brésilien, et bah, le nom du groupe c'est Bullet Back, et leur album c'est The West for New Horizons, et donc bah, dans les membres, il y a Fabio Butivias à la batterie, Raphaël Galaz au chant et à la guitare, et Alexis Gallucci à la basse. Donc c'est un groupe brésilien, comme je l'ai dit, et là on va s'écouter le titre The West for the New Horizon, qui est le titre éponyme de l'album, et je tenais encore à remercier Bullet Back pour cet album. Donc c'est parti. Alors voilà, donc c'est vraiment une petite découverte pour nous. Hein. Comme on dit, ce CD venait de, oui. de l'autre côté du monde, hein, enfin de l'autre côté de la planète. Oui. Hein. Donc tu rappelles ? Donc c'est un groupe brésilien et c'est Bullet Back. Et là, on s'est écouté le titre éponyme de l'album The West for the New Horizon, qui est vraiment excellent pour ma part. Voilà. On les remercie de nous avoir envoyé cette galette. Back. Alors, Soul Secret, l'album s'appelle Babel, avec What We Are All About. C'est une petite nouveauté. Ben, de toute façon, on arrive d'en faire à part... Il y en a tout le temps des nouveautés, à part la balade et la slasher et la Sylvale. La slasher et la Sylvale et la balade. Donc, c'est souvent, presque souvent des nouveautés, sauf quand on a des festivals ou quoi à préparer. Oui. Voilà, on est inondé de nouveautés. Maintenant, ça va être un peu plus calme, car c'est les vacances. Voilà, mais bon, rien ne vous empêche que si vous êtes en train de siroter ou à barbecue, hein, ben pourquoi pas, vous mettez le volume et vous emmerdez vos voisins. Ou alors vous les initiez au métal, pourquoi pas. Les métalleux, c'est les plus gentils, moi je vous le dis. Oui, les plus gentils. Allez, Soul Secret avec What We're All About, c'est tout de suite, c'est maintenant. Mind all our fates intertwine to the Bah, tu vois, slasher, ce genre de choses, quand ça joue très bien, et ça s'appelle du prog tout simplement, un Soul Secret, oui. Avec What We Are All About, j'adore, l'album s'appelle Bubble, c'est très technique, et j'aime ce genre de zik aussi, prog, oui. C'est du prog, et j'aime aussi, on part un peu dans du délire, ou là. Maintenant, vous savez, on sait tous et toutes que la variété française... On a le fameux Patrick Sébastien avec « Et on fait tourner les serviettes voilà. ». Et c'est la fête, on fait des farandoles, on picole, on s'amuse bien. Oui. Et bien du côté métal aussi, on a un petit peu nos fêtards, on va dire ça comme ça. On a envie de faire des farandoles, mais c'est différent. On a envie plutôt de faire, comme on dit, des beuveries, de faire la fête. On a les Alors Storm, musique pirate très marrante. On a des Ayons en interview, des gens très super, super sympas, et des Écossais qui ont percé maintenant, qui sont exilés du côté des États-Unis. Oui. Et on a aussi du nouveau qui s'appelle simplement Yet Banished Privateers. Donc c'est vraiment un groupe métal, mais attention, c'est du festif. Je dis bien, c'est du festif. Oui, du festif. Vous attendez pas à avoir du truc très, très. Métal, on va dire ça comme oui, ça. Voilà. Et on va s'écouter A Night Out de Schwarzer Kitter. L'album s'appelle First Night Back in Port. Donc c'est un peu dans le même esprit, hein, mais là il y a beaucoup moins quand même de guitare. Mais c'est une nouveauté et je tenais franchement à partager ceci avec vous, bande de petits loulous. Et voilà. C'est parti. Thank you. Voilà, nous aussi, on a nos envies de fête comme ça. Et là, c'était Yeah, Banished Privateers avec A Night Out de Schwarzer Eater, extra album Fight Night Back in Port. Voilà, oui. Juste avant de. T'as aimé, toi? Oui, j'ai bien aimé. J'ai kiffé. T'as kiffé, c'est assez marrant. Hein. Moi, oui. J'imagine bien, tu vois, ce groupe faire partie en même temps d'Allerstorm et faire la première partie. Je crois que ce sera un délire total. Oui. Alors, juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter Jupiter Hello avec le titre Odyssey, extrait de l'album, donc Odyssey, enfin de l'EPI. Je rappelle, vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec le Slasher. On fait un petit coucou à Sylval. Voilà, oui. Et on la retrouvera bientôt. Donc, Slasher, on y va là avec le Jupiter? Ouais, c'est parti. C'est parti, hein. I swear I tried to Voilà, voilà, donc c'était Jupiter Hello avec Odyssée, extrait de leur EP. Il oui. est exactement 21h, dépassé de 3 minutes à l'horloge de notre studio. On va peut-être s'écouter la balade crapuleuse. C'est la chose. Ah bah oui, pourquoi pas. Voilà. Et on va s'écouter, donc j'ai été chercher une balade crapuleuse, comme ça, extrait d'un album qui s'appelle Eye to Eye. Le groupe s'appelle Terra Nova. Et on va s'écouter Here to You, balade crapuleuse de ce lundi. Eh oui. Should not take Eh ben bon petit choix dans la balade, là je crois avec Terra Nova, Here to You, voilà, voilà, donc ça fait du bien, par où ça passe Par les oreilles bien sûr. Par les oreilles bien entendu, et quand on est avec sa copine, ben on la serre très fort dans ses bras, et voilà, et voilà. Oui. Là il est temps un peu de se réveiller, on va commencer tout doucement, avec The Night, Juliet, avec, donc c'est un single pour le moment qu'on va s'écouter, l'album doit arriver incessamment sous peu. Voilà, voilà. Eh ben, nouveau single, The Night avec Juliet. On l'attend, l'album, avec impatience. Ah oui, il est vraiment excellent. Alors, on en profite pour faire un petit coucou aussi à Phil, Phil Le Tao, chanteur de Till Dawn. Coucou, Phil, tu nous écoutes, c'est très bien. Eh ben, tu sais que bientôt, tu seras ici entre nos murs, hein, quand le deuxième album de Till Dawn sera sorti. Vous êtes les bienvenus pour une interview, un interrogatoire. Voilà. Yes, yes, yes. Alors, elle... Addiction, l'album s'appelle Broken et on va écouter Lost. Ce n'est pas du tout un titre de la série. Non. Mais c'est du très bon. Addiction, Lost. Et voilà, j'ai envie de dire ça. Et en même temps, allez, aujourd'hui on va faire ça quoi. Allez hop.

Alors, qu'est-ce que tu en penses de Razdown Crusher, donc le titre Crusher? Qu'est-ce que tu en penses, Slasher? Waouh! Waouh! Ça, ça bombarde bien, hein, quand même. Oui, voilà. Donc, bientôt, les vacances, c'est déjà fait pour toi. Hein, t'es déjà en vacances. Oui, hein, oui. Voilà, donc. Et bientôt aussi, encore de nouveaux concerts. On fera aussi le spécial Alcatraz, le spécial Lockersfesten. Oui, Lockersfesten, Alcatraz. Et le Remfest. Donc, il y aura des émissions spéciales, comme on fait à chaque fois. Et vous pouvez retrouver donc toutes les photos, les chroniques, les vidéos sur nos pages Rive d'Enfer ou Le Coin Métal. Oui. Donc voilà. N'hésitez pas, allez-y. Et si vous avez des questions ou si vous êtes en groupe et que vous avez envie de passer en studio pour vous présenter votre galette ou quoi. Donc c'est simple, c'est Rive d'Enfer, Rive d'Enfer avec deux F, donc Rive d'Enfer. RQC. gmail.com. Voilà. Allez, on poursuit avec Asphyx avec Division Brandenburg, extrait de l'album Incoming Death. C'est parti. Ça me plaît fort bien quand même, Asphyx, oui. Avec Division Brandenburg, avec une guitare assez lourde comme ça, avec un chant un peu proche quand même de l'obituary, hein, un peu moins travaillé quand même, mais oui. Proche quand même. Hein. Proche. Proche. Alors le prochain c'est Hour of 13 avec The Correlation, l'album s'appelle Sold the Dead, The Rare in the Unreal. C'est nouveau, c'est tout frais. Et c'est sur RQC 95 FM avec vous jusque 22h. Scream et le slasher. Sure. We'll be right back. Et là, le morceau qu'on vient de s'écouter, c'est Hour of 13 avec The Correlation. Ça me faisait un peu penser au début un peu de Black Sabbath. Enfin, je parle dans l'esprit musical. Je dis dans l'esprit musical, je ne dis pas dans la lourdeur des riffs, mais dans l'esprit musical, ça me faisait un peu penser à ça. Le prochain qu'on va s'écouter, le slasher, c'est Primal Creation avec Away the Trap. C'est extrait de l'album Votre Clown. C'est un groupe hollandais. Voilà, on va s'écouter ceci okay. Et puis on se retrouve. C'est parti. Un bon petit trashy comme ça, hein, gentil quand même. Hein. C'est simplement Primal Creation avec Await the Trap. Le prochain, c'est Scarvet avec Sweet Surrender. Encore une nouveauté. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Eh ben oui. We'll be right back. Là, juste à l'instant, c'était les Scarvettes avec Sweet Surrender. Très très très rock, très très un peu glam à la voix aussi, hein. Oui oui. Nous c'est ce qu'on aime un peu dans Rive d'Enfer. Ah bah c'est ce qu'on kiffe dans Rive d'Enfer, toute l'équipe kiffe ça. toute l'équipe kiffe ça. Et on aime aussi un peu tout aussi, hein. Oui, sinon, on est multi-style, voilà. On est multi. On est couteau suisse métallique. Alors le prochain c'est Da Vinci, non pas Da Vinci Code, non oui. Pas Léonard de Vinci, quoique il aurait pu faire de la musique avec il était tellement. Et ce n'est pas non plus une école. Mais bon, tout simplement, Da Vinci. La pochette, elle est sur la page Rive d'Enfer et on va s'écouter Vicious Circle. L'album s'appelle Ambition Rock. C'est vraiment pas mal du tout. Et oui. Voilà, retenez bien ce titre hein, quand même, hein, ce groupe d'Avinci avec Vicious Cycle, extrait d'album Ambition Rock Stormage avec Heretic in the Mind, extrait d'album Dead of Night. C'est tout de suite, c'est là, c'est sur RQC 95 FM. Oui, oui. Warrior of the lightning, now a thunder. A warrior of Ça aussi, c'est encore une petite tuerie quand même, hein. Ah oui, une vraie tuerie. Strong Mage avec Heretic in a Mine, Dead of the Night, of Night plutôt. C'est vraiment une bonne petite tuerie. Oui. L'avant-dernier titre qu'on va s'écouter, c'est Back Road, extrait de l'album Back Road 2. On va s'écouter Dancing White the Devil. Et après, on se retrouvera pour se dire au revoir. T'es d'accord, Slasher? Eh ben oui, je suis d'accord, mais malheureusement. Eh oui, ça, ça passe très vite. Et voilà, Slasher, il est l'heure bientôt de se quitter. Malheureusement, nous, oui, on va faire place à une nouvelle émission. Voilà, on va laisser la place à Jean-Pierre, hein, pour oui, moiteur et Tremblement, une nouvelle émission qui va commencer d'ici quelques minutes. Oui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec normalement Sylval. Oui, Sylval. Ben voilà, on remercie aussi tous les éditeurs, les auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés à travers le monde via le net, oui, qui nous ont regardés. Vous étiez aujourd'hui plus de, et c'est les vacances, plus de 1200 à nous regarder, faire oui, nos conneries dans le studio. Et c'est, oui, c'est super agréable. Voilà, et plus tous les gens qui nous ont écoutés par la bande FM et tout. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Nous, on va se quitter avec une nouveauté qui s'appelle le Foscore. C'est de l'espagnol Ciuta Tragica. Et c'est l'album Les Real Vision ou Vision, Officion. Je ne sais pas comment on le dit. Voilà. Ciao, Slasher. Ciao, Slasher. Ciao, Slasher. Ciao, Slasher.